Attends, je suis en train de changer le. Là, en fait, j'ai un petit tout petit écran, alors c'est chiant. Quand t'as un petit écran, c'est chiant. Il faudrait un écran. Ma voix.